Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue à la première édition des Palmarès Sifou pour la session d'automne 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Alexandra Carignan. Et Alexandra Carignan, vous l'aurez remarqué, la nouvelle co-animatrice des Palmarès Sifou. Tout le monde applaudit ensemble. Yay! Ça a l'air un petit peu loser. C'est correct. Alors... C'est pas la bonne place pour c'est difficile de diversifier ses claquements de main quand on est tout seul. Vrai. Mmh, bon c'est point. C'est pour ça que t'es là, pour clarifier les choses. Exactement. Donc, c'est les palmarès, c'est fou pour la semaine du 3 au 9 septembre 2012. Vous l'avez aussi remarqué, si vous nous écoutez en direct, on est dans une nouvelle case horaire, les jeudis, entre 15h et 18h. On est toujours en rappel les vendredis soirs à 17h, ainsi que les lundis à 13h. Pas pire, ça? On est là souvent. Soyons bons. Ils n'ont pas de raison de nous manquer. C'est ça. Et s'il y a des gaffes techniques, vous allez pouvoir les revivre les malaises. Ben, c'est ça! Hein? C'est-tu magnifique? Grave. C'est super. Cette semaine à l'émission, on va avoir les instants classiques d'assemblage requis. Oui, ça continue cette année. On va faire les semaines du 27 août. Donc ça, c'était toi et moi dans la vie de croisière d'assemblage requis. C'était fabuleux. Et aussi les meilleurs moments de cette semaine en cours, là, celle du 3 septembre. C'est comme un combiné. Un combiné, c'est comme un combo, mais sans salade de chou. Ça me déçoit un peu. Moi, je dirais que c'est plus une salade de chou, vous êtes poche! Ben non! On est tellement bons. C'est vrai? Ben oui. Ben, j'avoue que ça avait l'air un petit peu méchant envers toi, vu que je l'ai dit... Tu me l'as dit en me regardant. En te regardant. Tu m'as personnalisé ton chou. C'est comme si t'avais mis un chou sur un cadeau. Ça va faire, c'est assez. Ou les poupées en chou. Les poupées. Des poupées. Poupées, les bouts de chou. Ben oui. Ah oui. Ça me rappelle des souvenirs. Moi aussi. Ouais. C'est sûr que la petite poche, c'est comme un genre de bibitte de poêle avec une poche qui se revient à l'envers. Ah, ça, je sais pas. Je sais pas. Donc, on va voir ça. On va aussi avoir. On va savoir d'ici la fin de l'émission si nos numéros 1 sont toujours du côté francophone. Chinatown avec la vie rêvée. Du côté anglophone, c'est The Hives avec Go Right Ahead. Mais moi, je m'en rappelle. J'y ai pensé. Ouais, pas pire. Hein? Moi, je vous donnerais un indice, puis je vous dirais que c'est pas celui-là. Oh! Non, en tout cas, moi, je dis ça de même. Ben, c'est ça, parce que le palmarès, c'est là depuis le début du mois. Dans le fond, c'était du mois d'août au mois de septembre, une période d'un mois. Là, je réalise qu'on parle beaucoup trop longtemps, on n'est pas supposé, fait qu'il n'y a plus de musique. on parle trop. Mais donc, c'est ça, on va savoir si c'est toujours numéro 1. Et on a aussi des nouvelles entrées. Donc, rapidement, on a Rouge Pompier, Élie Papillon, Peter, PS I Love You, Parlor, Jack White et Foxy Shazam. On va débuter en 20e francophone. En 20e francophone avec Galaxy jusqu'à la fin. Le palmarès, c'est fou. Et voilà. 89 FM, il y a eu comme 20 secondes max de silence. C'était confortable. Très confortable. Pas de filet. Y en a vraiment trop honte pour ce qui se passe en dehors. Mon cœur part, mais mon corps reste. Et ma tête s'évapore. Jusqu'à la fin, jusqu'à ce que j'oublie le lendemain. Reste avec moi, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que j'oublie le lendemain. Avec tous ces amours qui passent et qui meurent, qui nous marquent et nous blessent. Et tous ces orages qu'on tient dans nos mains, qui éclatent et se brisent. Le futur nous mène et en même temps nos souvenirs s'éloignent. Même si on se perd trop souvent, nos histoires nous accompagnent. Reste avec moi, je t'en prie.

19. Nouvelle entrée. That I wobbled in my walk and I'm trembling. That's right, you got me shaking. When you take me in your arms to talk romance, my heart starts a doing that Saint Rita dance and I'm dancing. Yeah. Oh, and I'm shaking. Early in the morning time, late in the middle of the night. On vient d'entendre les positions numéro 19. Ça, c'était Jack White et I'm Shaking. Et oui, juste avant, c'était Peter avec Les Chemins étoilés en 19e position du côté francophone. Mm-hmm. Et on a eu aussi... Foxy Shazam. Foxy Shazam, ben oui. Last Chance. Shazam. J'ai tout le temps la misère avec les prononciations anglaises. Shazam! Last Chance of at Love. Et on a commencé avec Galaxy jusqu'à la fin en 20e position francophone. Commentaire, moi je trouve que Foxy Shazam, sérieusement, je pense que tout le monde est d'accord, c'est un succès dès la première écoute. Oui, et d'ailleurs, celle de Jack White aussi. Oui. Je suis vraiment... Je suis très épatée par les nouvelles entrées qu'on a au palmarès francophone et anglophone. Oui, du côté franco, Peter, son nouvel album s'appelle Une version améliorée de la tristesse et je sais qu'on va épuiser cet album jusqu'à la dernière goutte. Et c'est tout nouveau d'ailleurs. C'est tout neuf. Ça vient de sortir. Et Galaxy, c'est jusqu'à la fin et ça tombe quasiment bien parce que je pense qu'on a fait le tour du CD. Il serait temps que Olivier Langevin sorte un nouveau CD. Nous autres, on lance ça demain. As-tu compris? Est-ce que tu as compris, Olivier? Tout à l'heure, on aura Élie Papillon, PS I Love You, Parler et Rouge Pompier. Mais avant ça, on accueille David Ferron. Bonjour. Mais bonjour, comment allez-vous? Pas pire, toi? Oui, merci beaucoup. Alexandra est comme vous, elle dit rien. Moi, ça va très bien. C'est parce que, je sais pas, j'ai été obnubilé par tes nouveaux écouteurs. C'est juste ça. Ouais, en fait, c'est vrai. C'est pilote d'avion. Ben c'est pas les miennes, j'ai emprunté celui de François-Olivier Marchand qui est animateur. Pourquoi je l'ai pas remarqué? Il anime à tous les matins avec moi, j'ai même pas vu que c'était ses écouteurs. Ben oui, à Assemblage requis du lundi au jeudi de 7h à 9h. C'est une machine à plug. Ouais, j'en viens pas. Il travaille là-dedans. C'est vrai. Ça n'a même pas d'allure. Donc David, tu vas venir nous voir ici au Palmarès C'est fou une fois par mois. Oui, à peu près, oui. Pour nous parler de quoi? En fait, je vais vous présenter, parce que souvent, dans le décompte, on présente des hits qui sont québécois, qui sont très mélodieux, qui nous font danser, qui nous font pleurer. Bref... on vit toute la gamme d'émotions au Palmarès Ifo. Oui, sauf que en France, en Europe, ailleurs en Europe ou encore en Afrique, il y a des chansons qui méritent de se faire connaître. Ouais. Et à chaque mois, je vais vous présenter une chanson que j'espère qui va connaître un très beau succès, soit au décompte ou à la radio de C'est Fou. Mm-hmm. Aujourd'hui, tu nous présentes un artiste que tu nous as déjà fait entendre une fois, je me rappelle l'avoir entendu. Oui, exactement, avec la différence, en fait, c'est Salif Keita, qui est d'origine malienne. Ouais. Donc, il s'est illustré avec des albums solo depuis... En fait, il est à la musique depuis les années 70, avec d'abord en groupe, puis en solo. Qu'est-ce qu'il démarque? C'est les sons traditionnels avec les sons modernes, donc les sons maliens d'origine, par exemple l'usage d'un instrument de musique très répandu là-bas qu'on appelle l'akora, avec des musiques davantage occidentales. Mais là, son nouveau single que je vais faire écouter, ça s'appelle « C'est bon, c'est bon ». Et là, c'est un virage à 185 degrés. 185, ça veut dire un demi-tour et un petit peu plus encore. Et un petit peu plus. Oui, ouais, exactement. Okay. Oui. Donc, je vais être sûr. Parce que là, c'est électro, il y a du dub là-dedans. C'est bien à la mode, hein? T'as pas juste mettre du dubstep. Ben, c'est pas du dubstep. Ok, c'est du dub, mais tu cours, oui. Je suis pas au courant, mais bien. Ben, c'est comme du reggae, mais en plus low, en plus. Je sais pas comment décrire ça, mais je me mélange entre le rocksteady et le dub. Donc, okay. C'est dans ces vagues-là. On se comprend d'abord dans le mélange des ouais, puis un styles musicaux. Ouais, exactement. Ouais. Donc, c'est du reggae land, je sais pas. Cool. Tu veux qu'on écoute ça là? Oui, c'est bon, de Salif Keita, réalisé par Gotan Project. On écoute ça dans les Palmarès, c'est fou, au 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. C'était Salif Keita avec la chanson « C'est bon, c'est bon ». Pas mal bon, ça? Oui, ben en tout cas, ça... C'est le titre, fait que c'est vrai. Ça reste scotché dans la tête, là. Oui, scotché. T'es français, hein? Oui, je kiffe la chanson. Ouais. Donc, c'est ça, merci. Ben, David. Ça me fait plaisir en espérant que cette chanson-là puisse avoir sa chance à quelque part dans, sur les ondes de C'est fou, 89 FM. Ça se pourrait très bien. Ben, en tout cas, merci Alexandra et Mathieu de m'avoir accueilli. Mais merci, écoute, on va... Ça nous fait plaisir. Est-ce qu'on fait ces plugs? On fait ces plugs? On peut faire ces plugs. On fait ça. T'as une chronique qui s'appelle « La langue dans ton oreille » tous les mardis à 8h30. Oui. À Sondage requis. Oui, exactement. Le concept vite, c'est quoi? C'est que j'explique un fait culturel de la francophonie, que ce soit une entrevue avec un artiste, des découvertes musicales et autres. Bref, c'est une belle vitrine pour la francophonie mondiale. Surtout du « autre ». Oui. Beaucoup de « autre ». Autre, entre autres. Et on te retrouve ici à ta chronique au Palmarès c'est fou une fois par mois, donc on se dirait peut-être la première semaine du mois, mettons. Ouais. Ou si ça la donne de même. C'est comme vous voulez, là. On verra bien. Merci, David. Merci beaucoup. Vous êtes toujours au Palmarès c'est fou, Alexandra. Oui. Elle est là, et moi, c'est Mathieu Plante. Et voilà. Oui. Alors, on est rendu aux positions numéro... oui, ben, bye, David. OK. Bonne émission! C'était drôle, ça. C'était... Drôle de façon de quitter, ça. Ouais. Oui, effectivement. On y va avec les 18e places. Du côté anglo, il y aura PS I Love You avec Sentimental Dishes. Mais du côté francophone, ce sera le magnifique groupe Élie et Papillon avec une chanson pour tout dire. Bonne écoute, là! On rit toi parce qu'on t'aime bien, David. Ben oui. Une chanson qui s'écrit pour raconter les folies que fredonne les rimes de poèmes griffonnés par les mains d'un musicien qui mélange les accords et forme des mélodies. Une chanson pour tout dire, une chanson pour t'écrire, une chanson pour moi, une chanson pour toi, pour t'écrire. Elles errent dans les coulisses. Et puis y en a qui osent dire, sans gêne et à voix haute, les passions du printemps sous les draps. Tandis que d'autres soulagent, inondent les visages, fracassent sur des airs colériques. Une chanson pour moi, une chanson pour toi, pour t'écrire. Quelques-unes aiment me parler, mais celles que je t'écris, j'ai peine à l'achever. Les mots sont égarés, ils traînent dans ma tête, et j'ai pas l'air pour danser. Sur une chanson pour tout dire, une chanson pour t'écrire, une chanson pour moi, une chanson pour toi, pour t'écrire. Retour PS I Love You Parler et la descente du coude en plus de Fanny Bloom au Palmarès c'est fou au 89.1 FM. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89.1. 18. Nouvelle entrée. On vient d'entendre la fin déchaînée de P.S. I Love You avec la chanson Sentimental Dishes. Ça ressemble plus à P.S. I Hate You, I'm Gonna Kill You. Ça, oui, c'est une fin assez... ouais. Brutale. Disons-le comme ça. Brutale, B-R-U-T-A-L-L. Non, ça, c'est une chanson de Gatineau. Ah, je ne le sais pas. Référence pour les gens qui aiment la musique conjointe, c'est fou. Je voulais pas dire que t'aimais pas ça. Je l'aime pareil. C'est ça. Pour les fans de longue date, tiens. Ben, c'est ça, en fait. Moi, je suis une femme depuis 2 ans, là, et j'ai pas souvent entendu Gatsby. Non, ben non, ben non. Ça nous manque. Ça nous manque, on devrait en jouer plus souvent. Avant PS à Love You, on a entendu, c'était Élie Papillon avec une chanson pour tout dire. Nouvelle entrée en 18e place sur leur album homonyme. On va aller tout de suite aux 17e place. Et juste après les 17e, on y va avec un instant classique. Ça promet. Ça promet. Pour l'instant, dans ce bloc-là, il y aura Parler avec Holding On to Something en 17e anglo. Mais en 17e position franco, ce sera Rouge Pompier avec Paquet de choses. Si on fait une sirène ensemble. Oui, oui, oui, oui, oui. C'est plus un chat en chaleur. Oui. Non, ça, c'est un chien. Pas bon les effets sonores. Hein. Ou les accents, ou animer une émission de radio. Je me soir dans le parc d'affaires André. La route est longue, on vient du monde dans un champ de marbre. La route est longue, la route est longue, on vient du monde dans un champ de marbre. La route est longue. Je suis chez nous, je suis en moyenne. Tout ce que je m'en fais, c'est regarder le nouvelle entrée. Something, 17e position, nouvelle entrée du côté anglophone. Et du côté francophone, pardon, numéro 17, c'était Rouge Pompier avec Paquet de choses. Qu'est-ce que tu me disais de Rouge Pompier déjà? Rouge Pompier, en fait, qui est une formation constituée d'Alex Pompier au drum et de Jesse Pompier, l'ancien chanteur d'Extérieur.

À Trois-Rivières. Ah, c'est ça. Ça sent la fin, la sablage requis. Ça pue la fin, je te dirais. C'est vraiment comme, wesh, la fin s'en vient. Tu sais, c'est pas. Dans la vie, hein, tu sais. On peut pas tout avoir de suite, tu sais. Faut travailler, bon. Hein? Ça veut rien dire. Ça veut rien. J'essaie de finir sur une belle phrase, mais ça marche pas partout. Ah, c'était les derniers meilleurs moments de la vie de croisière d'Assemblage Requis, l'émission qui fusionnait en fait les Palmarès C'est Fou et Assemblage Requis dans un Love Fest du Love Boat. Love Fest, rien de moins. Tu sais, The Love Boat, là, la croisière s'amuse, traduction extrêmement bonne. Ah, je savais pas que c'était ça. Le bateau de l'amour. Oh! C'était sensual. C'était sensual comme bateau. C'est un petit insight, là. Quand je découpe les meilleurs moments, j'ai envie de mettre absolument tout ce que David Ferron et nous faisons comme blague. Je trouve ça super drôle, les moments qu'on vit avec David Ferron. Mais il faut que je me retienne et que j'en enlève, parce que sinon, on aurait l'air de faire juste ça. On fait juste comme des niaiseries avec David Ferron. Je garde que le meilleur. C'est tellement drôle. Merci, David, d'exister. T'es fin. Bon. Donc, c'est ça, on a les meilleurs moments pour la semaine du 3 septembre à venir plus tard dans l'émission. Ça, c'est la semaine en cours parce qu'on est de retour au matin, du lundi au jeudi, entre 7h et 9h. Exactement. On passe des bons moments, mais seulement François-Olivier et moi. Un oui, petit peu de toi. Un peu de moi, le lundi. On te saupoudre le lundi à 8h30. Exactement. C'est comme un c'est nouveau verbe. C'est pas clair. 8h et quelques. On s'en jase. 8h et quart, mettons. C'est ça, on devrait utiliser le mot saupoudrer à plus de sauce. En fait, sauce, tu peux aussi la saupoudrer. Oui, t'as la sauce en sachet, ouais, ouais tu ouais. peux la saupoudrer. C'est comme les matelas en sachet, ça veut dire quoi, ça? Des matelas en sachet, ça doit être des matelas dans des sacs. Dans des sachets. Non, mais comme, je sais pas, c'est une bonne question. Tu vois, c'est ça les palmarès, c'est fou. C'est de la pertinence. Plein de philosophie. On aime ça. Donc là, je réalise que c'est mêlant, parce que là, on passe les meilleurs moments de la vie de croisière d'Assemblage Requis, qui était l'émission qui fusionnait les palmarès C'est Fou à Assemblage Requis. Là, Assemblage Requis, c'est le matin, les palmarès C'est Fou, c'est l'après-midi. Tout le monde est mêlé. Démêle-moi donc ça, là, Mathieu. Lundi au jeudi, 7h-9h, okay? Ça, c'est Assemblage Requis. Okay. En anglais, Some Assembly Required. Ouais. Okay. T'as le jeudi après-midi, entre 15h et 18h, les palmarès C'est Fou. Ouais. The Crazy Countdown. Ouais. Et voilà. Voilà. Donc là, vous seriez... Vous êtes au courant. Oui, vous êtes au courant. Vous êtes démêlés. Vous pouvez nous suivre à tout moment. Et sur Facebook, vous pouvez littéralement nous aimer et nous suivre. Littéralement. Littéralement. Sur Facebook, c'est les Palmarès C'est Fou et Assemblage Requis. Vous pouvez aussi nous aimer métaphoriquement. Métaphoriquement parlant. Oui. Dans vos cœurs. Oui. Ouais, c'est ça. Puis juste un autre petit fait additionnel. Oui. Les auditeurs d'Assemblage Requis, tu le sais, tout l'été, on les appelait les requins. Ouais. Parce que Assemblage Requin, tu sais. Ouais. Requis, c'est un jeu de mots. Hein? Comment on appelle les auditeurs d'Assemblage Requis normal? Non, c'est toujours des requins. Ouais. OK. Tout le temps des requins. Tout le temps des requins. Les auditeurs des Palmarès C'est Fou, là, c'est ça la question? Ah, c'est ça. Oui, c'est une bonne question. Tu veux la réponse? Ben, je voudrais la réponse. Parce qu'elle est bonne. C'est les palmiers. Wow! Hein? Ta tête vient d'exploser. Ma tête vient d'exploser. Pachou! Les. Ouais. Wow! Palmiers. Les palmiers des palmarès. Hein. Et puis, si tu veux appeler les palmarès en raccourci, tu sais, des fois, si tu parles à quelqu'un parce que t'es tout en train de parler des palmarès, c'est fou, tu appelles ça les palms. En tout cas, pour faire un jeu de mots, c'est pas Cancun. Tabarouette, hein? Une émission qui était sur nos ondes cet été. Ben oui! Animée okay. par le très sexy Maxime Tanguay. Le sensual. Et le Pascal trait à Laurence Gélina, Pascal Chalette-Johnson. Le trait à Laurence Gélina. Ben oui, mais je peux pas dire très sexy Pascal, là. Je veux dire, c'est pas mon copain. Non. C'est celui à Laurence. D'accord. Voilà. Ouais. Vous savez tout sur la vie amoureuse. C'est excitant, tout ça. C'est beau. Vous êtes toujours au Palmarès, c'est fou, au 89.fm. Et ce qu'on va faire, c'est continuer avec nos positions 16, 15 et 14 franco, tout en sautant par-dessus l'anglo, parce qu'on doit sauter quelques affaires pour pouvoir mettre des niaiseries comme les meilleurs moments d'Assemblage Requis. Hein, c'est important de faire ça. Effectivement. On saute par-dessus la 16e anglo, The Shins, It's Only Life, la 15e, Edward Sharpe and the Magnetic Zeros, Man on Fire, et en 14e, Kasabian avec Man of Simple Pleasures. Présente-nous le francophone, s'il te plaît. On va aller voir Canaille dans mon lit, mais juste avant... Non, en fait, on va aller voir la descente. Je me suis toute mélangée. En fait, on va aller voir la descente du coude. Oui. De Simon contre la reine. Ah. Mais juste avant, on va aller voir Canaille dans mon lit. Cool. Au Palmarès, c'est fou. Hein? Ben oui, c'est ça. The crazy countdown. The crazy countdown. Crazy, crazy, crazy. Oh, non. Oui. T'es tanné, là. Il reste rien que quoi? Une heure et demie. Il reste juste ça. Deux heures. Oui, on aura deux heures maintenant. Stay babe, la chaîne, le canopé, la ligote-moi dans ta garde-robe. T'attaché tellement serré, sans plus capable de respirer. Le plaisir de voir si je vais rester ou si je vais m'enfuir. Va grimper dans les rideaux, va t'arracher les poils du dos. De la mezzanine de ton appartement, je fais du bungee avec tes collants. Tu vas t'envoler comme une fusée. Septième ciel, tu vas y goûter. We'll be right back. du somnol et je radote une défense creuse condamnée. Bye. Fanny Bloom et Ce que je voudrais, position numéro 14, ça monte de 3 places et c'était nouveau la semaine passée. Et juste avant, on a entendu Simon contre la reine de la descente du coude. Et on a commencé avec Canaille et Dans mon lit en 16e position au palmarès francophone. Mais allez pas vous coucher tout de suite parce qu'on revient avec une deuxième heure de palmarès. C'est fou, on va avoir Jadis Plus, Ariane Moffat, Hotel Morphée, Hellsongs, Dry the River et Walk the Moon. On a aussi DJ Catardi. Ça promet. Moi, je resterai à l'écoute. Moi aussi. Alors, les deuxièmes instants classiques aussi. Hey. Non, mais là. Tellement de choses. Surdose d'excitation, là. Hein? Oh my. Restez là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Est-ce que tu t'habitues à l'intro des palmarès? C'est fou, c'est nouveau pour toi, là. Je l'adore. C'est le fun, hein? Je la trouve vraiment entraînante. Elle est pleine d'énergie, comme ses animateurs. Exactement. Wouhou! C'est nous autres. C'est ça, c'est nous autres. Petit fait d'hiver, j'ai déjà raconté ailleurs, genre dans Assemblage Rocky. J'ai cherché une nouvelle intro. Ça fait 6 ans, je pense, qu'on a la même intro. Genre. Quelque chose comme ça, des palmarès. Okay. J'ai cherché pour en trouver une nouvelle, mais celle-là n'est pas physiquement battable. Tu peux pas faire mieux que ça. Elle est trop bonne. Elle est trop bonne, j'en ai essayé plein. Marche pas, c'est celle-là la bonne. Non. Un autre fait d'hiver. On a commencé la première année, la chanson était la version originale super lente. Même que si, je crois que je l'ai. Pendant qu'on en parle, ouais, je l'ai. Attends un peu, je vous baisse ça. Je vais entendre la version originale du thème, juste pour ceux que ça intéresse. Non, ça, c'est la vraie. Attention, originale, réveille-toi. Elle est vraiment lente. Ça va embarquer. C'est lent. C'est comme une musique ambiante. C'est ça, exactement. Et après ça, si on va à... Attends, je sais que je vous fais plein d'affaires en même temps, puis ça a l'air bizarre un peu. Est-ce que je l'ai? Oui, je l'ai ici. L'année passée, je l'avais beaucoup trop augmenté. Attention. Trop vite, là. Pas le temps de dire rien. Oui, tu me disais que tu parlais plus vite quand t'écoutais ça. Je te jure. On comprend quand je commençais à parler, puis là, c'était comme bien, nous, pas mal, c'est fou. Bon, en tout cas. Trop d'énergie. Bref, c'est ça, pas battable, c'est la meilleure chanson de tous les temps. C'est Artist of the Year avec Boom Booty. Ooh. Boom Booty. Artist of the Year qui a un nouvel album, en tout cas récent, qui s'appelle Up Yours. Et là, déjà, tu vois, je suis en train de parler vite. Hein. Moi aussi, là, je te regarde et je fais, il me semble que. Cam Ténard, Mathieu. C'est disponible sur aoty.ca pour Artist of the Year. Nous, on va continuer avec les palmarès. C'est fou. On y va avec les positions 13 et 12. Plus tard, il y aura Ariane Moffat, Dry the River et Hellsongs, mais on débute en 13e. En 13e position avec Janis Plus et Aléa. Aléa! C'est au 89 FM, c'est fou. Est-ce la peine de tout foutre en l'air pour des chimères? Quand l'aléa est il peut toujours évoluer. Il a peu à perdre et rien à gagner. Joue sa chance, il s'en fout. Sans lumière, comprise au piège dans une souricière. Les émissaires, c'est tout un manège. Elle rêve d'eau, trop chaud. On veut surtout pas la décevoir. Mais à son âge, on s'invente plus d'histoire. Sa chance est en tout. City.

Ouais. Un peu en retard, mais bon. Mais c'est pas moi qui les ai faites, là. C'est quelqu'un qui les a laissés dans mon bureau, mais ils ont l'air bons. Bon. Bien. On va prendre tout ce que tu nous donnes. On accueille Jasmine Raymond-Dréville. Ouais, ça, c'était pas dans ce sens-là. On se comprend. C'était un peu bizarre, c'est mais bon. Est-ce que... Donc, c'est Mathieu. Retour nos coups de cœur dans Tu manges mon cœur et des faits dans C'est un fait. Tu vois comment on met le mot de chaque chronique pour essayer de l'expliquer dans le titre? Ça fonctionne bien. Bon matin, bien. Bon matin. Bon matin. Bon matin. Bon matin. Ça va bien, François? Oui, toi. Super. Deux paires, excellent. Ce matin. Et, petit défi pour l'auditeur qui va nous appeler, les deux auditeurs qui vont, en ce cas minimum, là, pour les deux paires de billets. Appelez-nous Sa Majesté, Votre Majesté. T'sais, pour faire t'es plus capré ce matin. Là. C'est Eddie King, c'est le roi de la scène, on dit. Si, OK, attends, on va faire quelque chose. Okay? Si Mathieu répond, OK, ben là, vous le traitez de Majesté. Okay. Si c'est moi, ben écoute, vous me parlez comme si j'étais votre ami depuis 10 ans. Vous le traitez de Majesta comme du papier de toilette. Ah, il est rapide ce matin, Mathieu. Bonjour, Alexandra Carignan. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien. Oui, ce matin, très en forme, très réveillé. Oui, moi aussi, surprenamment. On aime ça de même. Et puis la rentrée, pas trop pire. Oh, sincèrement, c'est la première fois que je viens à l'université depuis. Oh, OK. Petite rentrée. Ça commençait pas hier? Tu n'avais pas de cours hier? Oui, ben, je suis comme à maîtrise. Ah, la maîtrise. Hein. Les cours n'existent plus à mon stade. C'est une bonne chose, mais en même temps, ça doit être difficile le reste aussi. Oui, effectivement. Ouais. Ben, c'est pour ça que je me suis dit, ben, je vais venir faire une chronique à l'Assemblage requis, comme ça, j'aurais pas le choix de me pointer à l'université. Parfait, c'est pas la première fois que j'entends cette excuse-là. Le 22 juin 1908, deux jeunes qui jouaient à l'angle des rues Saint-Georges et Badeau ont échappé une allumette dans une balle de foin. Ils cherchaient leur balle qu'ils avaient perdue. Et le feu dans la balle de foin va entraîner un des plus grands feux de Trois-Rivières. En tout, il y a plus de 800 bâtiments qui vont être détruits. C'est énorme. C'est vrai, j'oublie, on chantait sa chanson à la fin. Un feu de paille, non? Qu'est-ce que t'allais dire, toi? Un feu de paille, c'est bon? Non? C'est bon, non? C'est une bonne idée. Un feu de paille. On a compris le principe. Tacle.ca, okay. Qui est très, très, très bien fait, qu'on peut diviser soit par salle, soit par genre, okay. Ou par date. Zone Campus fait la même chose aussi. Hein. Tu peux aussi classer, tu as juste à découper. Autour des puis après ça, tu peux comme les mettre en ordre. Les classes dans l'ordre que tu veux. Tu fais une petite filière. C'est bon, ça. C'est débile. Et les palmarès, c'est fou avec moi. Exactement. Hein? Donc, toujours moi. Avec toi. En tout cas, au moins, il y a Alexandra, une bonne raison d'écouter. C'est ça, vrai. Ben oui, c'est ça. Enfin, une raison d'écouter cette émission. Dans le fond, je suis juste là pour les codes d'écoute. Oui, t'es la faire valoir des palmarès, c'est fou. C'est ça qu'on dit? T'es en vedette pas mal dans cette chronique-là, toi. Hein? Pas mal, hein? Tu m'as un peu trop mis en valeur à mon goût. C'est drôle comment, dans les palmarès C'est fou, il y a la chronique Un instant classique qui fait référence au palmarès C'est fou, dans laquelle on diffuse les instants classiques. C'est comme super méta, non? Je suis toute mêlée. Ouais. Tu vois, je comprends toujours pas. Non, moi non plus. Assemblage requis, c'est du lundi au jeudi entre 7h et 9h. C'est même assez fou. Et on a aussi l'émission qui s'appelle Le meilleur de C'est fou. C'est diffusé les vendredis entre 7h et 10h et les samedis de midi à 15h. Et ça combine les meilleurs moments d'assemblage requis et du dîner de cons, mais les chroniques. Tabarouette. Toutes les chroniques, la plupart. C'est comme un jackpot radiophonique. C'est comme un gratteur. Genre que tu pognes la rangée. Ça, c'est du bingo, je pense, la rangée. Hey, d'ailleurs, ouais. J'ai gratté un gratteur, là, en fait, semaine. Puis j'ai gagné 2$. Hein? Donc, un autre billet. Ben oui, c'est ça. J'espère. Tu sais, s'ils te vendaient le billet 3$ puis tu gagnais 2$, c'est comme cheap. Alors, c'est le prix du billet. M'en acheter un autre. Tu vois, j'ai dit tantôt qu'on avait rien à dire de palmarès. Fait que mettons toutes les conversations ou les affaires par rapport dedans pour essayer d'être divertissant. C'est comme, ça. Ça donne ça, tu sais. C'est ça. Tout à l'heure, on aura Catherine Hardy, DJ Catardi, pour sa chronique qui, j'imagine, a peut-être encore changé de nom. Peut-être pas. Ou on verra tantôt. On sait pas. Pas de nom. Pas de nom du tout. C'est juste la chronique de DJ Catardi. Ça s'en vient tantôt. Mais ça va être super bon parce qu'il va nous présenter la musique de Grimes. Mais avant ça, on continue avec un autre bloc de palmarès. Et là, Alexandra, je t'introduis. Oui. Ça a l'air bizarre, dit de même. Je te présente un bloc qui s'appelle le bloc trois quarts. OK. Ça consiste en quoi? Hey, tu vas voir, c'est génial. C'est qu'on joue dans un bloc de quatre pièces. Trois des pièces, puis l'autre, on la donne dans les toilettes. Hein? Oh my God, OK. Tu te peux plus, là. Je me peux plus. Tu peux plus. Donc, on va jouer les positions numéro 10 et 11. Plus tard, il y aura Lisa Leblanc et Band of Scars. On va sauter par-dessus Hôtel Morphée avec Garde à vous en 11e place franco. Donc, on va directement en anglophone. En anglophone, en 11e position avec le groupe Walk the Moon qui nous présente Quesadilla. Ouais, moi, c'est une pièce que j'adore. Puis là, maintenant que j'y pense, je me dis, on va faire la deuxième partie du bloc trois quarts après. Genre, je vais comme couper en deux. Fait que c'est comme, mettons, tu prends un bloc trois quarts, divisé en deux. Fait que ça fait un bloc. C'est un. Demi. Tu vois, j'aurais pas dû parler de ça. J'étais excité pour faire un bloc trois quarts, puis même Cathardy à Sandor, ils sont des explications, puis je comprends ça. C'est comme, c'est quoi ça? Hey! Oh! I must have tumbled out of a plane, 'cause I free fell all year. My chute is blooming out like spring, and I'm nowhere now but here. When I see your long hair come down, it turned my head inside out, and I want you, I want you. Water washing round our naked feet. Your blue jeans over in the sand, and we were wrestling in our picnic blanket sheets. When I see your long hair come down, and it turned my head inside out. When I seen your long hair come down, it turned my head inside out. On vient d'entendre Quesadilla du groupe Walk the Moon en 11e position palmarès anglophone. Avant ça, de sauter par-dessus Hôtel Morphée et Garde à vous, en 11e franco qui descend de la 5e place. Avant d'écouter Lisa Leblanc, c'est ça bien, oui. Et Band of Scores. Oui. Lisa Leblanc, à chaque fois, c'est tellement qu'elle m'énerve, je fais comme Lisa Leblanc. Non? Moi, je suis contente. Ouais, je sais. C'est ça, c'est ce qu'on appelle un bloc 50-50 de et voilà, plaisir. Genre. C'est ça, mais exactement. Si on veut sortir encore les mathématiques. Amenons quelqu'un qui est 100% merveilleuse et autres commentaires qui n'ont pas vraiment rapport, mais qui m'aident à faire une présentation originale avant sa chronique. C'est DJ de Cathardy. J'essaie de faire du pain sans rire, mais pas capable. Mais ce qui est le fun aussi, c'est comment tu t'es rattrapé sur le fait que dire que je suis merveilleuse, c'est par rapport. C'est cute. C'est pas ce que ça veut dire. Mais non! DJ Cathardy, bon retour! Bon retour, merci! Ça me fait plaisir d'être de retour. Ça fait depuis le mois de juillet, je pense. Ouais, juin en fait. Fin juin, là, ouais. ça s'est terminé, là. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était dans le cadre de la vie de croisière d'assemblage requis, et avec les petits oiseaux qui chantaient, tout ça, tu t'en es jamais rendu compte, mais il y avait ça. Je m'en manque pas. Ça me manque pas. Non, je m'en rendais compte assez que je t'ai demandé d'arrêter à ma... Genre, c'est ça. Ben, je pense que oui. Et ça tombe bien. Là, il y en a plus, et t'es dans l'émission Les Palmarès, c'est fou. Donc, juste pour te mettre en contexte. Parfait, tu fais bien parce que c'est le genre de détail que j'oublie facilement. Donc aujourd'hui, je vais y aller dans le cadre d'une chronique tout en musique, comme d'habitude. Ouais. On va parler de Grimes, qui a déjà été sur les palmarès dans les derniers mois. Elle avait fait une percée avec son vidéo Oblivion, qui d'ailleurs a été tournée à McGill. Ah, je savais pas ça. Oui, si tu veux. Moi, je m'amuse bien à regarder ses vidéos parce que en plus d'être auteur, compositeur, interprète, etc., elle fait aussi, elle dirige ses propres vidéos. Donc, c'est une femme à tout faire. Oui. Polyglotte en plus. Polyglotte. Oui, en fait, ben j'y viens. Ce qui va me laisser le temps de faire une petite introduction sur sa personne. Et après, on entendra une première chanson. Elle est originaire de Vancouver. Elle a immigré à Montréal pour faire ses études à McGill. Elle fait ses études en littérature russe. Hey, hein? Wow, hein? Quand même. Ça va servir, on sait, ça. Oui, mais à un moment donné, cette année, puis elle a décidé de faire neurosciences. C'est comme juste un petit peu à côté là, du domaine. C'est comme à peine différent. Moi, je vois le lien. Ouais. C'est-à-dire... Elle est smart, là. Bon, à part quoi en l'air dans la tête à quelque chose, tu sais, c'est ça. Elle est un peu flyée, un peu spéciale, mais j'aime ça comme ça. Moi, je trouve ça très charmant dans sa personnalité qu'elle soit assez colorée comme ça. D'ailleurs, ses cheveux dans ses vidéos sont assez colorés et c'est pas tout le temps beau, mais le reste... ça, c'est beau. Je confonds ces vidéoclips en Lights puis Grimes. Je crois que j'aime voir la vidéo, je pense. Tu veux dire Eli Golden? La fille, là, qui s'appelle Lights. Artiste, ah, non? Non. Tu m'as pris l'herbe sous le pied, là. Ouais, la peau de l'ours, là. La peau de l'ours. C'est le goût de la cuillère, c'est ça? C'est le goût de la cuillère avant de l'avoir acheté à Coutellerie. OK, à Coutellerie. Cool. Ouais. OK, on va commencer avec une première chanson de Grimes, Skin, un petit peu plus R&B, mellow, hip-hop, trip-hop, et c'est délicieux comme petit son. Wow. Synthétiseur. Tout créé de ses petites mains. C'est ça. Il y a pas le non-verbal qui va avec ta radio. On manque quelque chose. Moi, je le manque pas parce que je suis devant moi. Genre. On creuse notre propre tombe à chaque fois qu'on se parle. Non, mais on va arrêter de scraper à tout. Okay. Skin, genre. Grime, c'est très expérimental. Ça a été comparé à un style plus dark, ambiant, mais ça peut être aussi trip-hop, hip-hop, pop, R&B, indie électro, voire même médiéval par moment, parce qu'elle a vraiment une voix qui est très, qui rappelle les chants anciens. Mm-hmm. Elle, dans le fond, elle s'est réveillée un jour, puis elle avait 20 ans, parce que là, maintenant, elle en a 24, comme moi. Comme moi. Comme toi. Comme moi. Elle a le même âge que Grimes. J'ai le même âge que Grimes, puis je l'aime, et moi. Oui. Mais elle s'est réveillée, puis là, elle a réalisé, après s'être enfermée pendant 9 jours dans son appartement, comment c'était fabriqué de la musique, comment que c'était structuré, puis illumination, là, c'était, elle avait l'impression que la musique, elle avait même pas besoin de la créer, que c'était les anges qui lui portaient ça jusqu'au bout de ses doigts. Non, je blague pas tant que ça, parce que ça ressemble à ça de la façon qu'elle en parle. Elle parle d'une expérience très mystique dans la création. Donc, est-ce qu'elle a pris des substances? Est-ce que si, ça? On sait pas trop, mais je vais vous raconter une petite histoire. Dans le fond, elle, ça peut suggérer. En 2009, elle et son copain se sont construits un bateau de 20 pieds qu'ils ont appelé le Velvet Glove Cast in Iron, avec l'intention d'aller jusqu'au Mississippi. Ils se sont presque rendus. Il y avait des poulets, une machine à écrire, 20 livres de patates, puis une copie des aventures de Huckleberry Finn. C'était ce qui consistait le crew du bateau. L'équipage! Oui! Malheureusement, les poulets ont attrapé un virus puis sont morts, fait qu'ils ont fait une diète aux patates. Pour vrai, les fans de Night Gag doivent être morts de rire en ce moment. Tu sais, les patates, là, vraiment, là, ils doivent être heureux comme mille. C'est bon, la patate. Leur surnom pour l'occasion était Varushka et Zelda Xox. C'est le russe qui revient de ses études russes. C'est cela. Dans le fond, t'sais, difficile de penser que c'est les seules choses qu'ils ont amenées sur le bateau. Là. elle considère sa musique comme étant du ADD music. C'est-à-dire musique pour déficit d'attention. Oui, exactement. J'adore ça. Ça a été comparé à Björk, Enya, Aphex Twins et ABBA. ABBA? Ouais. Wow. Ses influences comprennent des éléments aussi variés que Nine Inch Nails, Beyoncé, Mariah Carey, Outkast, Drake, The Weeknd. Donc, on voit que c'est quand même assez... C'est varié, c'est diversifié. Oui, c'est ça, exactement. Donc, on va aller voir tout de suite, écouter tout de suite plutôt, mais je vous encourage fortement à voir la vidéo de Grimes Genesis. C'est une chanson qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Très, très, très bon son. La vidéo est rafraîchissant et différent. Puis, encore une fois, ben, comme j'ai expliqué, c'est tout elle qui compose, qui crée et qui filme aussi, donc l'ensemble de l'œuvre. C'est une artiste à part entière. Grimes au Palmarès. C'était Grimes avec la chanson Genesis, comme le groupe populaire de rock progressif des années 70. Et comme la console de jeux vidéo de Sega. Oh là, oui, celle-là, je l'avais oubliée pour vrai. Ouais. Je suis là pour ça, moi. Ouais. Référence geek. J'ai arrêté à Atari. Wow. Toi, t'es old school, vraiment, là. Tu sais, là, t'es rendu avec des notes sur papier, plus de portable, papier crayon, super, tu sais, rétro. Mode. Dit-il en me regardant avec mon iPhone dans la main. Ah, il y a ça. J'avais pas vu l'iPhone. C'était ce qui concluait ma chronique sur Grimes dans le cadre des palmarès. Et ce soir, je m'en vais au Carlito, mettre un peu de vieux rock à peine, un peu de new disco, de funk, de soul. Et pourquoi pas aussi de deep house en fin de soirée si mon boss est pas là. Wow, OK, en cachette, hein? Il aime beaucoup plus le blues que le deep house. Ouais. Ça me fait faire plaisir en y en mettant. Ouais, c'est ça. Donc, ce soir et demain, vendredi, au Carlito. Sinon, le 14 septembre, qu'est-ce qui s'en vient? C'est une soirée au crème. Ça va être un peu plus dancehall, un peu plus coupé-décalé. Donc, pour ceux qui aiment la musique tropicale, qui aiment bouger, se déhancher et qui aiment avoir une petite vague de chaleur avant la fin de l'hiver, ça serait l'endroit tout indiqué cette soirée-là. Excellent. Merci, DJ Catardi. Merci. Bonne fin de journée. On te retrouve dans deux semaines. C'est exact. C'est en alternance avec Justine Renaud dernièrement. Oui. Super. Merci encore. Au revoir. Bonne soirée. Toujours au Palmarès, c'est fou au 89.1 FM. Et on continue avec nos prochaines positions, c'est-à-dire les positions numéro 10. Du côté anglo, il y aura Band of Scars avec Bruises. Mais du côté franco, juste avant, on va aller écouter Lisa Leblanc avec Ligne Diderot à la 10e position. Hey, c'est pour toi, ça. C'est pour toi, juste pour toi. Juste pour toi. Je m'assure de mettre la bonne avant de passer sur le piton. Comment ça? Pas de douche. Ah, oh, c'est ça, là. C'était juste à côté. Tu tasses ta main et tu fais play. C'est... Meilleur moment la semaine prochaine. Oh, bonne idée. Oh. Hey, t'es forte. Je pense que t'es là. Une chance. Je déciderai d'enfouir mes robes de gypsy au fond de mon garde-robe. De mes vieilles valises, je sortirai ce que j'ai vécu pour les exposer sur mes murs que je pourrais appeler les miens. Je pourrais arrêter d'angoisser, voir si c'est moi le char qui laissera aller en premier. Un moment donné, je boycotterai le vieux café dépanneur, puis jugerai à mon tour ceux qui s'achètent du vin d'épicerie. Mais en attendant la radio grise, téléphone sur le bord de la rue. Un jour et d'autres fait avec la réalité. Que les grandes lignes d'hydro qui me suivent partout. Je remarquerai plus les cabines de téléphone sur le bord de la rue. Un jour et d'autres fait avec la réalité. Que les grandes lignes d'hydro qui me suivent partout. Je décidais d'enfouir mes robes de gypsy au fond de mon garde-robe. Numéro 10. Give you more. On vient d'entendre Band of Skulls avec Bruce's en 10e position du palmarès anglophone. Avant ça en franco, c'était Lisa Leblanc et Ligne d'Hydro qui monte de 8 places. C'était nouveau la semaine passée. C'est le 3e extrait, je crois, de son album Lisa Leblanc. Dans la dernière heure de l'émission, on aura avec podcast qui c'est The Well et Passion Pit. On a aussi. Qu'est-ce qu'on a comme. Il nous reste des chroniques, mais il ne reste rien. C'est de la musique. Ah, c'est à la bonne musique. Ben, Colin, de la bonne musique à cette émission-là. Je te dis, ça va être fou. En tout cas, moi, je resterais en onde si j'avais ma radio d'ouverte. Wow! Nous autres, est-ce qu'on a une radio ouverte en ce moment? On en a une, on va rester en onde. Cool! Et voilà. Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89-1. C'est la troisième heure des palmarès. C'est fou pour la semaine du 3 au 9 septembre 2012. Moi aussi, je peux faire comme Eddie King. Pour la semaine? Pour la semaine? Je vais en mettre l'accent au mauvais endroit, mais je le trouve très, très drôle, pour vrai, c'est grave. Donc, moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Alexandre Carignan. Comme après la parenthèse. C'est ça. C'est... Donc, dans cette troisième heure de l'émission, on fera la petite section Ailleurs dans les palmarès. Il ne faudrait pas oublier de le faire. C'est ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, d'où le nom. Ailleurs pour les dans les palmarès. C'est ça. C'est les autres feuilles, finalement, de du palmarès. Déjà, c'est ça. Mais avant ça, on va faire un petit bloc, ce qu'on appelle un bloc 50-50. Hein, après un bloc 3 quarts, un bloc 50-50, c'est juste qu'on. Tu sais, c'est comme dire, mettons, premièrement, petit ouais. B et numéro 3. C'est comme, tu sais. Ouais. Quand tu fais une liste, là, c'est comme changer de. Pour vrai. Donc, tes métaphores sont spéciales. Spéciales. Donc, on va sauter par-dessus les 8e et 9e francophones, c'est-à-dire en 9e, les Delaware Chuck avec HD qui descend de 7 places et en 8e avec podcast et la journée qui s'en vient et Flamme en 9 qui monte de 2. On va entendre le côté anglophone. Le côté anglophone qui est, on va écouter Set of the Whale 2010 en 8e position. Mais tout d'abord, on va aller écouter Passion Pit avec Take a Walk en 9e position. Au palmarès, c'est fou! Un condensé de la meilleure musique que c'est quoi à vous offrir. Avec un petit chou dessus. C'est un callback à une blague. On a du budget. Du début de l'émission. Oui, on a du budget. Fantaisie du, de la pièce. Hein? Le magasin de Party. Mais je veux pas faire de la pub, fait que j'ai dit pas le même nom que le vrai magasin. Mais tout le monde comprend quand même. Oui. Ouais. Take a walk, honey, it's your song.

On vient d'entendre Set the Well avec 2010, le numéro 8 du palmarès anglophone. Et juste avant, on écoutait Passion Pit avec Take a Walk, qui était en 9e position. Avant ça, on a sauté par le sud francophone, c'est-à-dire avec Podcast, qui est en 8e, qui monte de 2. La journée qui s'en vient est flambant neuve. Et en 9e, c'est les Delaware Chuck et HD qui descendent de 7 places. C'était le numéro 2 la semaine passée, ou en fait dans le précédent palmarès qui a englobé le mois d'août au grand complet. Maintenant, on va faire un autre bloc 50-50, mais de ce côté-ci, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on va jouer quelque chose d'autre, puis pas l'autre, puis lui oui, puis lui non. C'est comme super compliqué. Ce qu'on va faire, c'est un combo 6e et 7e place. On va sauter par-dessus le numéro 7 anglophone, c'est-à-dire Patrick Watson et Into the Giant, qui est là depuis 8 semaines. On va tout de suite entendre la position numéro 7 francophone, qui est Simon Kingsbury avec « Jouer du coude ». Puis j'expliquerai le reste après, parce que c'est compliqué. J'essaie de chanter ça à tout, là, ça. J'essaie de pas faire ça trop souvent. Non. La tête dans le cul, t'avances dans le tour. L'impression d'être en retard. Christ de cauchemar. Une chose bien simple comme avancer se transforme en une action risquée. Les poumons crispés. Faire comprendre que tu dévales une pente, la tête bien pesante, la mèche devient de plus en plus courte, l'avenir te pousse à bout, te pousse vers un retour, on écoute The Gaslight Anthem. The Gaslight Anthem, vous voulez parler, tu sais, quand tu veux parler trop vite, ça que ça donne, c'est super bon. On va aussi avoir Patti Smith, You Can Blonde, Radio, restez là. Yeah! êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89.1. Numéro 6. Gaslight Anthem et la pièce 45 qui monte à la 6e position. C'était la 19e la semaine passée, en tout cas dans le dernier palmarès. Là. Ça devient maintenant, ça. C'est une nouvelle entrée, d'ailleurs, cette fois-là. Avant ça, on a sauté par-dessus Grimmskong, qui est sur « Vous êtes filmé », qui descend de 3 places. Et puis, avant ça, on a entendu les 7e. On a sauté par-dessus Patrick Watson et Into Giants, qui descendent de la 3e. Et on a débuté avec Simon Kingsbury et Jouer du coude, qui descend de 3 places. Tout à l'heure, il y aura Chinatown, Radio Radio, Patti Smith et Yukon Blonde. Mais avant ça, on fait la petite section ailleurs dans les palmarès. C'est tellement fascinant, parce que vous le savez, les palmarès, c'est fou, c'est plus que seulement un top 20 franco et un top 20 anglo, c'est aussi le top 30 des albums, le top 3 des disques canadiens, le top 10 de l'électronique et le top 10 loud. Commençons par le top 30 des albums. On retrouve 6 nouvelles entrées. En 30e place, Liam Titcombe avec Cicada. En 29e, Hot Panda et Go Outside. En 28e, Frank Ocean et Channel Orange. Et en 27e, il y a aussi Fist City avec It's 1983, Grow Up. Et après ça, on monte un petit peu. Et en position numéro 22, on retrouve The Antlers avec Undersea. Et en 21e place, PS I Love You avec l'album Death Dreams. Dans le top 3 des disques canadiens maintenant, en 3e, c'est stable, Zeus avec Bursting Visions. En 2e, c'est stable aussi, Patrick Watson et Adventures in Your Own Backyard. Et en 1e, c'est stable pour la 5e semaine de présence, Metric et Synthetica. Ensuite, on entre dans le top 10 électronique. Il n'y a aucune nouvelle entrée. En fait, tout est stable. Dans le top 3, c'est Shout Out Out Out avec Spanish Moss and Total Loss. En 2e, The Invisible avec Rispa. Et en 1e, 7e semaine de présence pour Blue Foundation et In My Mind, I Am Free. Ah, d'ailleurs, Si vous voulez, vous pouvez écouter les palmarès électroniques à l'émission Le Vestibule de Jean-François Fecteau. C'est les samedis soirs ici même, assez fou. Dans le top 10 loud, pour terminer, une seule nouvelle entrée, c'est la troisième place, Gypsy Hawk et Rivalry and Resilience. En deuxième, ça monte de deux, Grimmskunk et Setfire. Et en première, c'est stable, septième semaine pour Royal Thunder et CVI. Voilà pour ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. On est un petit peu en retard dans le palmarès, donc on va avancer avec un bloc de 4 tout de suite. On va entendre les positions 4 et 5. Plus tard, Radio. Yukon Blonde et Patti Smith, mon début avec Chinatown. L'ancien numéro 1, voici La Vie Rêvée. 89 FM, c'est fou dans vos oreilles. Thank you.

Les positions 4 et 5 de chaque côté, ça c'était Yukon Blanc et Radio qui montent de 2 places. Avant, du côté francophone, c'était Radio Radio et Tupac sous le Firmament qui monte de 8. Avant, 5e place anglo, Patti Smith avec Banga qui monte de 3. Et au tout début, c'était Chinatown avec l'ancien numéro 1, La Vie Rêvée, qui est donc en 5e place francophone. On continue avec un autre bloc de 4 pièces. Plus tard, il y aura les Handclaps, The Hives et Zeus. Mais on débute avec Reine de France en 3e qui monte de 5. Voici Weekend perdu au Palmarès, c'est fou. Au 89 FM. C'est fou, ça. L'un va avec l'autre, hein. Anything you need, dear. Anything you want to hear.

autre gros bloc avec les deuxième et troisième places. On vient d'entendre The Hives avec Go Right Ahead, position numéro 2 anglophone, qui descend d'une place. C'est l'ancien numéro 1 du côté anglo. Avant ça, on a entendu les Handclaps avec Ce Son qui monte de 7 places. Avant, en troisième anglo, c'était Zeus avec Anything You Want, Dear. Et en troisième, Franco Sérène de France avec Weekend Perdu qui monte de 5 places. Et oui, Go Right Ahead, peu importe le nombre de fois que je l'entends, je pense que ça fait sûrement une bonne cinquantaine de fois que je l'entends, je me rappelle jamais qu'il y a Go Right Ahead à la fin. Ça m'énerve. Allez, reste seulement les numéros 1. Et numéro 1, je veux malheureusement dire pour vous, jeu de mots poche. Parce qu'on s'en échappera jamais. S'il n'y avait pas de jeu de mots au palmarès, c'est fou, vous iriez, mais ce serait comme pas une journée comme les autres. Tu sais, de palmarès, c'est le nom de la pièce des Breastfeeders, c'est pas numéro 1. Breastfeeders, mes jeux de mots sont comme le sein. De votre mère. En fait, le lait qui sort du sein de votre mère, en tout cas, qui sortait, peut-être plus maintenant. En tout cas, j'imagine que notre public cible n'est pas nécessairement les enfants de 0 à je sais pas à quel âge qu'on arrête d'allaiter, même si aujourd'hui, on allaite de plus en plus tard. Là. Hein? T'sais, on n'est pas jeune, rien que d'intellectuel. On est aussi jeune de cœur. Ah, c'est fou. Là, je suis en train de me caler en disant que je suis comme jeune dans la tête. Là. En fait, jeune dans la tête, c'est bon. Hein? Finalement, si on se comprend là-dessus, ouais. Ben, peu importe comment on calcule ça, ça fonctionne du système anglais au système métrique, tout fonctionne. Et j'ai réussi à plugger tous mes jeux de mots sans même que vous en rendiez compte. Donc on va entendre Metric avec Youth Without Youth. Hein? Vous avez compris du côté anglophone. Bon, on débute avec les Breastfeeders. Voici une pièce qui monte de 6 positions. Ce ne sera pas un jour comme les autres au 89 FM. C'est fou. Après ça, on revient et on se dit bye-bye. Après. Position. Hangman, we played rubber soul with the C'était les positions numéro 1 de nos palmarès de cette semaine. Mais avant de dire les numéro 1, un petit récapitulatif. Du côté franco, en troisième, Sirène de France avec Week-end perdu. Deuxième, les handclaps, ce sont. Et en première place, on a entendu quelques secondes, les Breastfeeders avec Ça ne sera pas un jour comme les autres. En anglo, en troisième, c'est Zoo, c'est Anything You Want Dear. En deuxième, The Hives, Go Right Ahead. Et on vient d'entendre en première place, Metric et Youth Without Youth. Voilà pour les palmarès, c'est fou. On se retrouve en direct jeudi prochain entre 15h et 18h. Reste à l'écoute à 19h, c'est 13e étage, émission de jazz électronique et éclectique. On repasse les vendredis de 17h à 20h après Rock Classique. Reste à l'écoute pour Skypunk qui s'en vient à 20h dans quelques minutes. Et finalement, les lundis après-midi entre 13h et 16h. Soyez à l'écoute à 18h pour le boudoir à partir du 17 septembre. En fait, c'est pas tout de suite. Donc non, restez là, mais pas pour ça, hein, finalement. Voilà, passez par lecif.ca pour la programmation complète et par assemblagerequis.com pour les liens d'émission et les balado-diffusions. On se quitte avec une dernière pièce, c'est The Shins, le groupe avec It's Only Life. Ça descend de 6 places sur la plupart de nos stations, ce qui veut dire que ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez l'entendre au complet. On se quitte, puis bonne semaine. Merci à DJ Catardi et à Alexandra Carignan d'avoir passé une bonne partie d'émission avec moi. Bye bye! Je me suis ennuyé de vous, pas mal à l'aise, ça. Died in the world you've been, cornered by your natural desire. You wanna hop along with the giddy throng through life, but how will you learn to steer when you're grinding all your gears? You've been talking for hours. You say time will wash tower to the sea, and now you've got this worry in your heart. Well, I guess it's only life, it's only natural. We all spend a little while going down the rabbit hole, and the things they taught you, got your back.